Yeah. Dance, baby. Dasha. Chérie de tout, on s'aime tous les deux comme des fous. Des va-et-vient ailleurs, baby, protège-toi, c'est tout, viens près de moi. Fais-moi oublier, c'est tout. Je m'habituerai, et pas moi tes promesses. Comme un fidèle, donne-moi de tendresse. Je suis ta femme et je veux être heureuse, c'est tout. C'est tout. Ça a l'idée, j'ai mes défauts, mais j'ai aussi mes qualités. Tu me connaissais quand tu m'as validé. Tu es ma reine, même si j'ai du tout vert. On pas même ça, t'es qui bite ou t'as parlé. On nous pas papier, chérie, bien tout fait. Ranger.